Je vous donne la parole parce que ce que relève quand même Bertrand Tatinga est fort remarquable. Et vous le dites si bien, Panelli, sur ce plateau, la question de la République centrafricaine devrait interpeller tous les pays de la CEMAC, et même si on élargit l'assiette à ceux de la CEAC. Pourtant, c'est un silence morbide, si ce n'est certains mouvements du président, peut-être celui du Cameroun, pour essayer notamment d'apporter lui à son niveau sa contribution pour véritablement conjurer, on va dire, la paix dans cette zone. Mais le reste, ça reste un silence de marbre. On a convoqué tout à l'heure, et Bertrand l'a fait, l'action sous-régionale, notamment la CEMAC, elle est véritablement silencieuse. Pourtant, nous parlons véritablement d'un État qui est attaqué de toutes parts. Par le Soudan, c'est une porte ouverte. Par le Tchad, c'est pas une garantie, mais on est silencieux. Que faire véritablement pour une prise de conscience profonde, mais surtout une action assez rigide face aux mercenaires qui, pourtant, on a l'impression que eux, ils ont carte blanche pour circuler dans certains pays et frapper quand il faut? Alors, le business plan mondial veut qu'il y ait le chaos lent, le chaos organisé. Parce que tout ce que vous voyez, la CEMAC est une organisation fabriquée de toutes pièces par l'Occident. La CDAO est une organisation fabriquée par l'Occident. Et pour aller plus haut, l'Union africaine est une fabrication de l'Occident. Donc ce ne sont pas des organisations qui sont des émanations de la volonté des chefs d'État ou bien des peuples. Mais après, finalement, là, on parle, oui, on est d'accord. Mais lorsque nos intérêts sont menacés, lorsque l'intégrité d'un État est menacée, la première réaction, c'est de se défendre. On n'a pas besoin de sortir, c'est pas trop, de Sorbonne pour savoir qu'il faille absolument mettre une dynamique en place pour se défendre face à l'ennemi, lui qui, par contre, s'adapte tous les jours, alors se réorganise tous les jours pour mieux apprécier comment frapper finalement nos États. C'est celui qui rationne qui demande à qui doit être servi. C'est celui qui rationne qui demande qui on doit servir. C'est lui qui donne l'ordre de servir. Comme pour dire quoi? Pour simplement dire que vous ne pouvez pas avoir des États post-coloniaux, c'est-à-dire vous avez la fabrication des... La plupart de nos États, le système qui est mis en place dans nos États, c'est le système france-africain, surtout en zone CEMAC ou bien la zone francophone. C'est le système français qui est mis en place. Tout est fabriqué par la France. Les politiciens sont fabriqués par la France. La plupart des intellectuels et tout le reste sont fabriqués par la France. Les armées sont fabriquées par la France. Donc en réalité, on n'a pas véritablement une politique émanant de la volonté des peuples. C'est pour ça que Bertrand le disait avec force. Mais est-ce qu'on va forcer à quelqu'un d'être patriote? Est-ce qu'on va forcer à quelqu'un d'être nationaliste? Est-ce qu'on va forcer à quelqu'un d'être panafricain? Donc nous pensons qu'aujourd'hui, il faut se réapproprier notre souveraineté, nos États, la volonté de servir nos États. Nous sacrifions nos vies au quotidien parce que nous voulons une CEMAC forte. Nous sacrifions nos vies au quotidien, nos petits moyens que nous avons pour dire, pour faire des recherches et pour dire au monde entier ou bien aux populations de la zone CEMAC et aux Africains que mais vous ne pouvez pas réussir en étant seul. Aucun État ne peut réussir en étant seul. Et il faut le dire clairement, c'est la théorie des porcs et puis qui voulait fuir le foie. La théorie des porcs épics qui voulaient fuir le froid, chaque porc épic, n'est-ce pas, en période de grand froid, chacun prenait sa route. Et ils ont constaté que quand chacun prenait sa route, chacun tombait et mourait de froid. Ils se sont entendus, ils ont dit, ok, nous allons marcher en groupe, en rang serré. En rang serré, ce qui est sûr, rappelez-vous, les porcs épics ont des pics. C'est-à-dire, chacun peut piquer l'autre, chacun peut faire des croques en jambes, de mal à l'autre. Mais, malgré des pics, malgré ces petits croques-jambes, on reste toujours ensemble pour fuir le froid. C'est pour ça que dans mes propos, j'ai dit tout à l'heure, il y a des pécheurs en eau trouble. Des pécheurs en eau trouble créeront toujours le chaos. Et je vous fais un petit diagnostic de la zone CEMAC. Le professeur Archange Touadéra, selon la constitution centrafricaine, est à son dernier mandat. D'ailleurs, que nous ne souhaitons pas et que nous demandons de modifier la constitution le plus rapidement possible. Et d'ailleurs, je crois que les démarches sont faites dans ce sens-là, que la modification de la constitution soit effective en Centrafrique. Donc, monsieur le président de la République, sachez que les panafricains, les africains, les populations de la zone CEMAC vous disent modifier la constitution pour que vous soyez encore candidat à votre propre succession au niveau de la Centrafrique, au vu du projet et des plans que vous avez dans cette Centrafrique-là. Ça, c'est un point hyper important et je crois que ce message doit lui arriver que des Centrafricains comprennent l'enjeu et le soutiennent davantage dans ce sens. Je sais qu'ils le soutiennent déjà dans cette logique-là, qu'ils le soutiennent davantage pour qu'on arrive à cela, qu'on modifie la constitution. Nous avons le président centrafricain qui est justement en fin de mandat. Nous avons au Cameroun un balbutiement pour la transition. Donc, on n'est pas sûr de ce qui va se passer. Et des batailles de clans qui se produisent. Donc, le Cameroun n'est pas assez stable dans ce sens-là. Vous avez au Tchad une transition qu'on ne sait pas d'où elle est venue. Elle est comme ça. On la soutient. On est là. On regarde aussi. Donc, on a déjà trois chefs d'État qui sont en difficulté, on peut le dire. On a au Gabon Ali Bongo, chancelant, qui n'est pas en très grande forme physique. Nous tous le constatons. C'est pas, il se bat pour ses problèmes de santé. D'ailleurs, nous le souhaitons qu'il recouvre véritablement sa santé. Mais on sait qu'il est fragile. Il ne peut pas véritablement diriger le Gabon comme Ali Bongo qu'on a connu il y a de cela quelques années. Donc, il est fragile. Donc, il y a des failles là-bas. Vous avez au Congo de notre ami Sassou Nguesso, que lui aussi, il est aussi entre la transition aussi commence à cogner à sa porte. On ne sait pas s'il va partir, s'il va laisser Christelle Sassou Nguesso qui veut aussi grandir. Même chose en Guinée équatoriale. Donc en réalité, on a une CEMAC fragilisée à cause des situations internes de ces États. C'est-à-dire ces chefs d'État qui ont des problèmes de transition, ces chefs d'État qui ont des problèmes de santé, ces chefs d'État qui ont problème de mandat, ces chefs d'État qui ont problème de légitimité, ces chefs d'État qui ont un problème de succession ou bien de transition. Donc quand vous avez une sous-région qui est dans cette posture-là, c'est facile que l'ennemi trouve un taureau facile pour justement s'installer. Et toute cette déstabilisation au niveau du Soudan, c'est justement pour... Je voudrais vous faire un rappel historique. Il y a eu des mercenaires qui ont abattu des éléphants au parc de Boubanjida. Dans le nord, au parc au nord. Et près de 40 à 50 éléphants ont été abattus. Et les vous appelez ça quoi? Les défenses ont été emportées au Soudan. Et selon les services de renseignement, ces mercenaires venaient tout droit du Soudan, qui avaient une commande qu'il fallait les défenses d'éléphants pour livrer à certains Chinois qui étaient là. Vous savez que le Soudan est une route maritime fluviale assez importante dans le monde. D'ailleurs, on dit que c'est 60% du trafic maritime du monde qui passe par le Soudan et tout le reste, le canal de Suez et le canal d'Aden et tout ça. Donc, vous voyez que c'est un état hyper stratégique. Donc, quand nous donnons ces différents éléments, c'est pour que les hommes de la CEMAC puissent se réveiller. Et c'est pour ça que j'appelle à la gouvernance des peuples. La gouvernance des peuples, ce n'est plus... Et d'ailleurs, nous félicitons l'opération... Vous avez un mot d'avion qui se passe. Nous l'avons vu en Côte d'Ivoire. N'est-ce pas? Que les Ivoiriens ne font pas seulement le mot d'avion en Côte d'Ivoire. Qu'ils font aussi le mot d'avion sur les affaires politiques aussi. Suivez mon regard. D'accord. Vous savez de quoi je parle. Maintenant, on a triché le modèle, n'est-ce pas, de mot d'avion en Côte d'Ivoire. On l'a importé au Cameroun. Qui porte ses fruits petit à petit. On a vu quand même la capacité des Camerounais aujourd'hui à se mobiliser pour une cause juste. Donc si les Africains continuent, les peuples continuent à se mobiliser. Nous avons vu au Cameroun, les populations se mobiliser pour aider l'armée par rapport à la lutte contre Boko Haram. Mmh. Nous avons vu les populations actuellement au niveau du Burkina Faso, n'est-ce pas, apporter de l'aide, n'est-ce pas, à l'armée pour la défense du territoire. Nous avons vu au Mali, n'est-ce pas, les populations apporter leur onction populaire aux autorités de la transition malienne, ce qui leur donne la légitimité et la force d'agir parce qu'il y a le bouclier, le meilleur des boucliers du monde qu'on appelle le peuple. Je pense que si tout ce que nous faisons ici, c'est pour justement amener le peuple à maturité, pour que les petites considérations politiques, n'est-ce pas, c'est-à-dire, oh, la constitution a fait que... Mais les constitutions sont révisables. Les constitutions sont changeables. D'ailleurs même, M. Macron fait quoi en France? Il a utilisé des lois, non? Il a défié le peuple, non? Il défie les lois du peuple, la volonté du peuple, pour imposer sa volonté et la volonté des lobbies des 13 familles, comme aime bien le dire le professeur Mbele, qui est une vérité, une réalité. J'aime souvent dire aux Africains, je vais toujours leur rappeler. Aux États-Unis, on a vu Bush père faire la guerre en Irak. Quand Bush père a quitté le pouvoir, il a préparé son fils Bush fils que ta mission, ta prochaine mission, quand tu vas venir au pouvoir, c'est d'aller tuer Saddam Hussein. Et après Clinton, Bush est venu. Prochaine mission, faire la guerre en Irak. On se rappelle encore de, vous appelez la fiole que le monsieur l'avait montré en Mondiovision, que voici la preuve qu'il y a des armes nucléaires qui sont développées. Les armes à destruction massive en Irak. Mais finalement, il était obligé de se dédire et de dire que vraiment, il s'est trompé. Colin Powell. Donc, vous comprenez que le père a fait sa guerre, il a échoué, il a commandé, il a préparé le terrain pour son fils de prendre le pouvoir et d'aller tuer Saddam Hussein et de détruire l'Irak. On a vu le même Clinton, président des États-Unis. On a vu Madame Clinton, secrétaire d'État, deuxième fonction la plus importante aux États-Unis, monsieur et madame. Et Clinton a failli être président des États-Unis en moins une seconde. Vous suivez mon regard. Si ce n'était pas les grands électeurs qu'il avait déjoué à cette élection contre, je crois, c'était Trump. Donc, monsieur et madame ont dirigé les États-Unis. Ça n'a causé le problème de démocratie nulle part. Venons en France. Monsieur François Hollande, président de la République. Madame Ségolène Royal, qui est sa compagne ou bien son ancienne épouse. Ils ont 4 enfants. Est opposante. A été opposante. A failli même être présidente de la France. Ça n'a causé de problème de démocratie à personne. C'est-à-dire, monsieur et madame ont pris en captivité la politique française. Monsieur et madame Hollande. Ça n'a causé de problème à personne. Mais quand ce genre de problème se transpose en Afrique... Ce genre de réalité, vous voulez dire? De réalité se transpose en Afrique, on commence à dire... La démocratie a fait que... Oh, la démocratie est montée. La démocratie est les droits de l'homme. En fait, on nous récite toutes les leçons de démocratie quand ça concerne les cas africains. Quand M. Nicolas Sarkozy de Boxa, l'un des plus grands criminels du 21e siècle, a décidé de détruire la Libye ou bien la Côte d'Ivoire en premier, ça a gêné qui? Il a demandé de bombarder. On a bombardé avec la complicité de l'OTAN. Personne n'a réagi. Personne n'a défendu la Libye. Personne n'a défendu la Côte d'Ivoire. On a bombardé et c'est s'est passé. C'est la première fois qu'on voit en Mondiovision, n'est-ce pas? On déloge un chef d'État élu. Et d'ailleurs, ils ont voulu refaire la même chose avec Juan Guaido au Venezuela, n'est-ce pas? Où un individu sorti de nulle part s'autoproclame président de la République et on veut chasser Maduro. Et on commence à accréditer les ambassadeurs nommés par Juan Guaido aux États-Unis et un peu de partout. Voilà la démocratie. C'est pour ça que je dis toutes ces choses, pour que nous, les Africains, nous comprenons que quand c'est en Afrique, ce n'est pas la démocratie. Mais quand c'est chez eux, c'est la démocratie. Aujourd'hui, je pense que la France doit avoir un président de transition. Et je préfère nommer monsieur, vous l'appelez comment là? Célineau, bonsoir. Bonsoir Célineau. Voilà. C'est pas lui. Écoutez, président de la transition française. Mm-hmm. Parce que la junte militaire qui est au pouvoir... Junte civile. c'est une junte militaire. Macron, c'est un militaire sauvage qui détruit, qui éborgne et qui tue les Français comme il veut, quand il veut. Parce que si cette junte militaire française qui est au pouvoir, c'est-à-dire pour bon civil, je suis d'accord avec toi dans, sur ce point-là. Il n'a pas le treillis en tout cas. Incarné par Monsieur Macron, vraiment, il faut que nous donnons les injonctions à la France et à cette jeune française de laisser le pouvoir et que la transition prenne place pour que la France devienne un pays véritablement démocratique et qui respecte les droits de l'homme. Merci à vous. Afrique Média, le monde, c'est nous.